الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، chers auditeurs, nous continuons ce soir la lecture et l'étude de hadith sur la croyance et le suivi. Le troisième hadith mentionné par l'auteur concerne le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. معاذ بن جبل, qu'Allah l'agré, rapporte qu'il était un jour assis derrière le prophète صلى الله عليه وسلم sur un âne. فقال لي, le prophète صلى الله عليه وسلم lui dit alors, أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. Sais-tu quel est le droit d'Allah sur les serviteurs et quel est le droit des serviteurs sur Allah? قلت الله ورسوله أعلم. Je dis, Allah et son messager savent mieux. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Le droit d'Allah sur les serviteurs est qu'il l'adore et qu'il ne lui donne aucun associé. Ceci est le droit d'Allah. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. Et le droit des serviteurs sur Allah est qu'il ne châtie pas celui qui ne lui donne aucun associé. Celui qui se préserve du shirk, qui voue le culte exclusivement à Allah, qui donne son droit à Allah en lui vouant un culte exclusif. Alors son droit sur Allah est qu'Allah ne le châtiera pas. Et ce droit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui en a lui-même décidé, de par sa grâce et sa bienfaisance et sa bienveillance envers ses serviteurs muwahhidin, ceux qui lui vouent un culte exclusif. À l'écoute de cette bonne nouvelle, Mu'adh dit alors, « Ya Rasulallah, afala ubashir al-nas. Ô messager d'Allah, n'irai-je pas annoncer la bonne nouvelle aux gens ?» Il vient d'entendre cette bonne nouvelle qui réjouit le cœur. Que celui qui concrétise le tawhid et ne donne aucun associé à Allah, Allah ne le châtiera pas. Il souhaite annoncer cette bonne nouvelle aux gens. قال لا تبشرهم فيتكلوا. Ne leur annonce pas car ils vont se reposer sur cela. Allahu Akbar. Ne leur annonce pas car ils vont se reposer sur cela. Ils vont penser que ceci est suffisant et peut-être ne pas mettre en pratique comme il se doit les autres législations de l'islam. Et ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, et d'autres. Donc Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, c'est aussi un compagnon parmi les Ansar, et plus particulièrement un Khazraji. Il fait partie de ceux qui ont participé à la bataille de Badr et à celle après elle. Et c'est vers lui que les gens revenaient dans la science, les jugements et le Qur'an, car il était connu pour sa vaste science, radiyallahu anhu. Et c'est lui que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a envoyé en tant que prédicateur au Yémen, comme on l'a vu, dans le premier hadith. Et il est mort en l'an 18 de l'Hégire, au Cham, durant la peste de Amawas, radiyallahu anhu. Donc dans ce hadith, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a exposé le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns et les hommes, qui est de lui vouer un culte exclusif dans l'adoration et de n'adorer nul autre que lui. وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire que pour qu'ils me vouent un culte exclusif dans l'adoration. Et ce droit, qui est un droit immense, ne revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala en dehors de tout autre que lui. Il est le seul à mériter l'adoration. Et tout autre que lui ne peut être adoré. Car l'adoration est un droit exclusif de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également expliqué dans ce hadith que si les serviteurs donnent à Allah subhanahu wa ta'ala son droit, en lui vouant un culte exclusif et en ne lui donnant aucun associé, alors Allah subhanahu wa ta'ala les sauvera du châtiment de l'enfer et les fera entrer au paradis. Et une fois de plus, ceci nous démontre le mérite du tawhid et que ceci est la base de notre religion et la chose sur laquelle on doit se concentrer, celle à laquelle on doit donner le plus d'importance, veiller à l'apprendre, veiller à l'étudier, veiller à la comprendre, et veiller à la mettre en pratique. Et également apprendre son contraire, apprendre qu'est-ce que le shirk, quelles sont les catégories de shirk, qu'est-ce qui relève du polythéisme ou non, et ce afin de pouvoir s'en préserver et s'en écarter. Donc cette bonne nouvelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncée dans ce hadith, c'est une chose qui réjouit le cœur du croyant, car nul parmi nous n'est à l'abri des manquements. Et le serviteur sincère veillera à rester ferme sur le tawhid, à donner à Allah son droit et à s'écarter de toute forme de polythéisme, majeur ou mineur. Donc Mu'adh radiallahu anhu, il a immédiatement demandé l'autorisation au prophète sallallahu alayhi wa sallam de transmettre cette parole. Et on tire de cela un bénéfice. Le noble comportement de ce compagnon radiallahu anhu, qui demande l'autorisation avant de transmettre, car il est seul avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il demande l'autorisation d'aller transmettre cette parole, d'en informer les gens afin qu'ils se réjouissent. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'en a interdit, et ce afin de préserver sa communauté, afin qu'il ne se repose pas sur cette promesse et qu'il redouble d'efforts dans l'accomplissement des bonnes actions, les bonnes actions qui les rapprocheront d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il se concurrence en cela afin d'atteindre des degrés éminents auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui se reposerait sur cette promesse, il risquerait de s'affaiblir et de se priver ainsi de beaucoup de biens et de grandes récompenses en minimisant ses efforts dans les œuvres de bien, Allah al-Musta'an. Donc on tire de ce hadith différents bénéfices. Le premier est la sagesse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans l'enseignement. Et ce car, afin d'attirer l'attention de Mu'adh, radiyallahu anhu, il lui a présenté ce bénéfice sous forme d'une question, afin d'attirer son attention et qu'il se concentre sur cette science qu'il allait lui transmettre. Et ceci fait partie des méthodologies prophétiques dans l'enseignement, d'interroger la personne afin de pouvoir lui apporter la réponse à cette question, de laquelle elle ignorait la réponse. Le deuxième bénéfice est que celui qui ne sait pas une chose et qui n'a pas la réponse à une question ne doit pas s'imposer d'y répondre. Regardez Mu'adh radiallahu anhu comment il répondit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas cherché à donner une bonne réponse ou à faire des propositions de réponse, mais il a tout simplement dit « Allah wa rasuluhu a'lam ». Allah et son messager savent mieux. Et c'est ainsi que se doit d'agir le croyant lorsqu'il est interrogé sur une chose qu'il ne sait pas. Il dit simplement « Allahu a'lam ». Allah sait mieux. Quant à la parole de Mu'adh radiallahu anhu « Allahu wa rasuluhu a'lam », »« Allah et son messager savent mieux », ceci était une parole prononcée du temps, du vivant, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais après sa mort, nous disons « Allahu a'lam ». Le troisième bénéfice que l'on tire de ce hadith est la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la noblesse de son comportement. Regardez ici comment Mu'adh radiallahu anhu nous décrit la situation dans laquelle il se trouvait avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il était avec lui sur un âne. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes, il montait sur un âne pour se déplacer. Et en plus de cela, il acceptait que une autre personne monte avec lui sur cet âne. Et beaucoup de gens aujourd'hui auraient honte de monter sur un âne. Il se peut même que certains trouvent cela comme rabaissant ou humiliant. Et pire encore, certaines personnes vont refuser de monter dans certains véhicules. Comme on l'entend parfois chez certains jeunes, je ne monte pas dans ce genre de voiture ou je ne sais quoi. Cette voiture est moche, je ne monte pas dedans. Elle est vieille, je ne monte pas dedans, ou d'autres paroles semblables. Et ceci est une preuve d'orgueil et de manque de modestie et d'humilité, wallah al-musta'an. Le quatrième bénéfice que l'on tire de ce hadith est l'exposé du droit immense d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le tawhid, le fait qu'on lui voue un culte exclusif, que l'on adore que lui et que l'on renie l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a dit, ceci est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns et les hommes. Et si cela est le droit d'Allah et que tu souhaites t'acquitter du droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sur toi, alors tu te dois d'apprendre qu'est-ce que le tawhid, quelles sont les formes de tawhid, comment concrétiser le tawhid et comment se préserver de ce qui s'oppose au tawhid en apprenant le shirk, ses différentes formes et ses catégories afin de pouvoir t'en écarter et t'en préserver. Le cinquième bénéfice que l'on tire de ce hadith, et une fois de plus, la grâce immense d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. Notre Seigneur est le plus généreux des généreux, et sa récompense est une récompense immense. Celui qui s'acquitte de son droit, lui voue un culte exclusif et ne lui donne aucun associé, alors il le préservera de son châtiment. Et on a vu d'autres hadiths nous démontrant cela dans l'explication du hadith précédent. Le sixième bénéfice que l'on tire de ce hadith est la recommandation d'annoncer aux musulmans ce qui le réjouit. Lorsque tu sais qu'une chose va faire entrer la joie dans le cœur de ton frère, la joie dans le cœur des habitants de ton foyer, ton épouse, tes enfants, tes parents, tes frères et sœurs, il est recommandé de leur annoncer cela, de leur annoncer tout ce qui les réjouit, de leur annoncer des bonnes nouvelles. Et faire entrer la joie dans le cœur du musulman fait partie des œuvres par lesquelles tu te rapproches d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le septième bénéfice que l'on tire de ce hadith est que le musulman ne doit pas se reposer sur la miséricorde de son Seigneur. Et combien sont ceux à s'être privés de beaucoup de biens et à se mettre en danger en se plongeant et se noyant dans les péchés et la désobéissance sous prétexte qu'Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Comme ceux qui, lorsqu'ils sont conseillés au sujet d'un péché qu'ils commettent, vont dire oui mais Allah est pardonneur et miséricordieux. Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Mais il est aussi dur en châtiment. Il est pardonneur et miséricordieux pour ceux qui se repentent, ceux qui reviennent à lui, ceux qui ont des remords pour leurs péchés, s'en écartent, implorent son pardon et ne s'obstinent pas dans les péchés et la désobéissance. Quant à ceux qui s'écartent de la voie droite, qui se plongent et se noient dans les péchés et les mauvaises actions, alors ceux-là sont en danger et ils sont sous la menace du châtiment d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc ils font prendre garde à ne pas se laisser tromper par la miséricorde et la clémence de notre Seigneur. Et à toujours garder en tête que tant que tu es dans ce bas monde, rien n'est acquis. Et nul parmi nous ne sait comment il va mourir. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir nos cœurs et de ne nous faire mourir qu'en pleine soumission. Enfin, le huitième bénéfice que l'on tire de ce hadith et que l'on va mentionner aujourd'hui est la permission de cacher une part de la science s'il y a un intérêt en cela. S'il y a un intérêt à ne pas informer certaines personnes de certains sujets, parmi les sujets religieux, alors il n'y a pas de mal en cela comme nous le démontre ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a informé Mu'adh radiallahu anhu de cette bonne nouvelle. Et lorsque Mu'adh radiallahu anhu lui a demandé s'il pouvait aller annoncer cette nouvelle aux gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de ne pas le faire. Pourquoi? Car il y avait un intérêt pour la communauté. La crainte qu'il se repose sur cette bonne nouvelle. Donc on voit que s'il y a un intérêt à cacher une part de la science, à ne pas informer certaines personnes au sujet de certaines questions religieuses, il n'y a pas de mal en cela, inshallah ta'ala, et tout ceci revient aux intérêts escomptés et aux méfaits que l'on souhaite éviter. Ceci était donc quelques bénéfices que l'on tire de ce hadith. Et on verra dans le cours prochain, inshallah ta'ala, le quatrième hadith qui concerne la recherche de bénédiction. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.